bonjour Igor. Quelle surprise! Tu es à Paris? Salut Olga. Oui, je suis à Paris pour mon travail. Je suis médecin et je viens pour une conférence. Très intéressant. Je te présente mes amis Hans et Nagako. Voici Hans, Nagako et voici Olga. Bonjour Nagako. Bonjour Hans. Très heureuse de vous rencontrer. Nous aussi, Olga. Quelle est votre profession? Je suis danseuse en Russie, mais étudiante en France. Et vous, Hans? Je suis informaticien. Et vous, Nagako? Je suis informaticienne, comme Hans. Mais je ne travaille pas en ce moment. J'ai deux enfants. Oh! On se dit-tu? Nous sommes amis maintenant.